Saturday party, déprimé, fatigué. Non, non, non. Non, non, non. Capitaine Cookie, Capitaine Cookie. Capitaine de la contre-culture. Eh hey Mino, monte en voiture, y'a le capitaine qui va t'envoyer dans la culture. Il va te faire un parcours que t'es pas prêt d'oublier. D'ici où y'a des gars jusqu'à là-bas où c'est guidé. Rien ne se discute, ce guide qui est le meilleur de la cité. C'est vraiment quoi faire sans lui. T'as l'appétit de ce que la loi Macron appelle nos factures. Mais pour l'histoire, t'as rien d'autre que la mémoire de pauvre silure. Dit 1995, Capitaine Cookie va soigner ta culture. Y'a le capitaine qui va te raconter le secret de Marseille. Que tu as trop d'imagination pour avoir côtoyé. Capitaine Cookie, Capitaine Cookie, Capitaine de la contre-culture. Plus mystérieuse que l'Atlantide, viens par ici toi, fais pas le timide. Épargne-moi ton discours en forme de rocade Arnavaux Florian. Ouvre tes esgourdes, je ne sais quel flasque équivalent. Pensez vraiment pouvoir faire sans lui. C'est des hauts de Perrier que tout a commencé. 1995, R21 surboosté. Holker, Zucker, à fond derrière les vitres teintées. Chine dans les poches, les forages s'éclataient. Les bouteilles de Bavaria valent des caps sur le boulevard Michelet. La pute noire était-elle bon marché? Va savoir, s'il vous plaît, si lorsque l'hypothèse Hippoca, une femme branlée, a assuré. C'est ça, laisse le capitaine te rassurer. Capitaine Cookie. En parlant de noir, t'aimes le rock, fiston? Oui, mais pas trop noir désir. En matière de blague, j'étais plus proche d'Asta que des plagistes occupés à faire de la pointe rouge un cloaque. Ici-bas, tout porte à croire qu'il n'y a que Alliance Ethnique qui a droit de citer. Et encore, ce n'est pas le pire. Je danse pas le Mia, mais pourtant, je peux te l'assurer. Ça, j'en sais quelque chose, on était Marseillais. Nous, c'est le crotrop psyché qui nous a toujours fait rêver. À la machine à coudre, il y a que là que tu pouvais jouer. Alors que partout ailleurs, où que ce soit, on s'en foutait de ce que tu faisais ou de ce à quoi tu jouais. Seul contre tous, les kékés concrets, les rappeurs abstraits, les musclés, la politique templatée sur le club floroté. Capitaine Cookie, 1995, Capitaine Cookie s'explique avec la vie. Capitaine de la contre-culture. Et avec les Tods qui voulaient se rebeller, comme il faut bien le préciser, uniquement les Tods pouvaient y arriver. Direction la rue d'Aubagne, mate le balai des deux bases, rendez-vous des deux baies, attentif à l'odeur de campagne, attention à la cagagne, tu vas voir de l'isle, bah y'a que ça. Les Tortilles sont pas encore arrivés, puis y'a Sons of Gaia, tu dois un XLR, Lascar. Tu croyais quoi? Peut-être que j'étais du genre à oublier. Capitaine de la contre-culture. À la gaiole, t'achètes le chichon. Ni vu ni connu, tu vas là-bas comme si t'allais chez ton tonton. Si ce n'est que quand t'écoutes Chrome dans la XKW, bah tu fais quand même comme chez tonton. T'as vu, tu baisses le son. Bienville, Castella, 1995, dernier arrêt. Oh Jack, qu'est-ce t'as trouvé au puce? Les Passions, jamais entendu parler. Mad Mon Cactus, ma VHS de Jess, Franco, nique les annales. Lou Reed, c'est pour les profs de français. Ouais Chantal, tu sais, bah ça pouvait plus durer. Alors comme ça, ils veulent donner Marseille au royaume de France. Sauf que c'est les Grecs qui nous ont mis en transe. Mais c'est ni le Mucem, ni la Bac Sud en bois qui va nous mater. Castellane, c'est pas le petit Nice, ça tu le sais. Aux terrasses du port, moi j'y ai chié. À la rue des bons enfants par un clone de Prince. J'ai même renoncé, il était une fois, à tenter l'expérience de m'y faire suspendre. Terminé, le party déprimé. Capitaine Cookie, t'as sorti de ta léthargie. Reviens à ton quotidien. Parle de culture et garde à l'esprit ce vocable monosyllabe. Capitaine Cookie, Capitaine Cookie, Capitaine de la contre-culture. Dure. Capitaine de la contre-culture. 1995. Capitaine de la contre-culture. Capitaine Cookie, Capitaine Cookie. 1995. Ils veulent donner Marseille. Capitaine de la contre-culture. Capitaine de la contre-culture. Capitaine de la contre-culture. Marseille, royaume de France. Capitaine de la contre-culture. Capitaine Cookie, Capitaine Cookie, Capitaine Cookie. Capitaine de la contre-culture. Pensez vraiment pouvoir faire sans lui.